Bon, on commence, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence donc aujourd'hui l'explication du livre de Kitab al-Tawhid avec le sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, rahimahullah, dans son sharh Qurrat Uyun al-Muwahidin. Avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Donc, on est arrivé, on est en train d'expliquer au dernier cours les sujets par rapport au chapitre Tafsir al-Tawhid ou Shahadati an la ilaha illallah. Donc, ça, c'est le chapitre qu'on est en train de lire. Et on a expliqué jusqu'à date, toujours, on est toujours dans le premier verset, le verset 57. Dans Surat Al-Isra. Et c'est pour expliquer justement la signification du fait qu'on n'a pas à prendre des intermédiaires ou des intercesseurs entre nous et Allah. Et que la signification de Al-Wasila, c'est pas yani, de prendre des intermédiaires et des intercesseurs pour se rapprocher d'Allah, mais plutôt c'est de chercher un moyen licite et légal pour se rapprocher d'Allah. Et parmi les moyens licites et légaux qu'on a mentionnés, il y a le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, par ses attributs. On a mentionné aussi le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action qu'on a faite, purement pour lui, hein, sans aucun shirk qui ait été fait dedans. On a mentionné l'exemple des trois hommes qui ont été enfermés dans une grotte. Et on expliquait aussi que le verset qu'on était en train d'expliquer, yani, c'était pour réfuter les gens qui adoraient par exemple Jésus, ou qui adoraient Uzair, ou qui adoraient les anges. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans ce verset-là, ceux que vous êtes en train d'adorer, eh bien, ils adorent eux, Allah. Eux, ils adorent Allah. Alors pourquoi vous, vous ne faites pas comme eux? Pourquoi au lieu d'adorer ces êtres-là et ces personnes-là en dehors d'Allah, pourquoi vous ne demandez pas directement à Allah comme eux le faisaient? Et donc, on a expliqué par exemple différentes formes de tawassul. On expliquait que at-tawassul, c'est de chercher un wasila, c'est-à-dire un moyen pour se rapprocher d'Allah. Puis on a expliqué que bon, les moyens permis pour se rapprocher d'Allah, c'est les bonnes œuvres. C'est la piété et la foi, c'est le tawhid, c'est tout ce que Allah a agréé et tout ce qu'il a légiféré pour nous dans la religion. Et on a expliqué que parmi les mushrikines, il y en a qui adoraient différentes choses. Certains adoraient des statues, d'autres des images, mais il y en a d'autres qui adoraient aussi des anges, des prophètes, des messagers, des hommes pieux, des saints, des choses comme ça. Et c'est du shirk, ça aussi. C'est pas seulement l'adoration des idoles qui est du shirk. Donc on était rendu maintenant à expliquer ce que le cheikh a mentionné quand on a mentionné le fait de chercher ou de demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms. On a mentionné des exemples de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et on a mentionné donc aussi de demander à Allah par des bonnes œuvres qu'on a mis en pratique pour Allah seulement. Et on a, c'est ça, je disais tout à l'heure qu'on a mentionné l'exemple des trois hommes qui ont été enfermés dans une grotte et qui ont invoqué Allah en mentionnant une bonne action qu'ils ont faite, et Allah subhanahu wa ta'ala les a finalement libérés de cette grotte. Ensuite, le cheikh, il dit ensuite, فَالتَّوَسُّلْ إِلَى اللَّهِ هُوَ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ لَا بِمَا يَكْرَهُهُ وَيَعْبَاهُ مِنَ الشِّرْكِ. Donc le cheikh, il expliquait que le tawassul, hein, le fait de se rapprocher d'Allah par un moyen, eh bien c'est par le moyen qu'il a aimé et qu'il a agréé, et non pas par un moyen qu'il a interdit et qu'il déteste, comme par exemple le shirk. Et le cheikh, il fait comme commentaire ici, on avait expliqué ça aussi au dernier cours, que les mouchriquins, lorsqu'ils prennent un intercesseur entre eux et Allah pour se rapprocher de lui, ils sont en train en réalité de diminuer Allah et de rabaisser Allah. Pourquoi? Parce qu'ils font, des comparaisons entre Allah et sa créature dans le fait de le comparer au roi, hein, dans cette dunya. Et on a mentionné l'exemple de ça. Et que c'est une analogie qui est corrompue en réalité. Pourquoi? Parce que si nous, par exemple, dans ce bas-monde, on ne peut pas aller voir le roi directement, il faut passer par quelqu'un pour y aller, c'est parce que le roi, il est ignorant. C'est parce que le roi, il est ignorant dans le sens qu'il ne nous connaît pas. Et il ne sait pas ce dont on a besoin. Et aussi, une des raisons pourquoi on est obligé de passer par un intermédiaire, c'est parce que l'intermédiaire lui-même, il a probablement une faveur auprès du roi. Et il pense que par cette faveur-là, on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux que quiconque. Donc il n'est pas ignorant de qui nous sommes, il n'est pas ignorant de notre situation, il n'est pas ignorant de ce dont on a besoin, contrairement au roi des hommes, hein, les rois humains. Et en même temps aussi, il n'y a personne qui a des faveurs auprès d'Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala se sente obligé de répondre ou d'exaucer ou d'intercéder pour quelqu'un. Donc ça, on avait expliqué ça au dernier cours. Et on a même mentionné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder au jour de la résurrection pour que le jugement commence, il va demander en premier la permission pour pouvoir intercéder en se prosternant devant Allah subhanahu wa ta'ala pendant une longue période de temps. Et c'est seulement après avoir été prosterné pendant cette longue période qu'on ne sait même pas combien de temps, et qu'il va invoquer Allah par des invocations que Allah va lui inspirer à ce moment-là. Et c'est à la fin de ça que Allah va lui dire, hein, va lui dire, lève-toi et je te donne la permission de demander. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il va demander et non pas avant. Ça, c'est la preuve que personne ne peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission, contrairement aux êtres humains dans cette dunya, parmi les rois ou autres. Les gens intercèdent auprès d'eux, hein, parmi leurs proches ou les gens qui sont autour d'eux. Ils intercèdent auprès de lui sans sa permission, contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'analogie que les koufars font, elle est corrompue. L'analogie que les koufars font pour comparer Allah avec les créatures et les rois de ce bas monde, ça c'est une analogie qui est fausse et corrompue. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on peut la demander directement à Allah, pas besoin de passer par quelqu'un. Ensuite, le cheikh, il explique, il dit, bima yakrahuhu wa ya'bahu min ash-shirk الذي نزه نفسه عنه بقوله سبحان الله عما يشركون وقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين وقوله في الإنكار على من اتخذ الشفعاء قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc Allah سبحانه وتعالى, il s'est purifié de toute forme de shirk en disant Subhanallah. Subhanallah, ça veut dire que Allah soit purifié. Hein? Que Allah soit purifié et exalté de tout ce qui est associé à lui. Tout ce qui est associé à lui par les mushrikines, hein? Et des gens qui adorent d'autres avec Allah et qui associent avec Allah dans leurs adorations ou dans leurs croyances. Ça, c'est le verset 43 dans Surat At-Tur. Dans le verset 108 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Donc ça c'est le verset qu'on a déjà expliqué dans les cours précédents قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et que Allah soit purifié et exalté, et je ne suis point du nombre des associateurs, des mushrikin. Le verset suivant, c'est pour condamner ceux qui ont pris des intercesseurs et des intermédiaires. C'est le verset 18 dans Sourate Yunus. À la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous informer Allah de ce dont il n'a aucune science dans les cieux et sur la terre, hein, qu'il soit purifié et exalté de ce qu'ils lui ont associé ou du shirk qu'ils font avec lui. Et là, le début de ce verset-là, ça dit, yani, ata'buduna min dunillah. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Ça ne peut pas leur faire ni du bien ni du mal. Ils adorent ces choses-là en dehors d'Allah qui peuvent ni leur nuire ni leur profiter. Puis ils disent, pour justifier leur shirk, ils disent, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'on ne les adore pas pour eux, mais on les adore juste pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Hein, c'est des intermédiaires. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute en disant, « Dis, ô Muhammad, allez-vous dire à Allah ce qu'il ne connaît pas, ni dans les cieux et sur la terre? » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'associé. Ça n'existe pas. Allah n'a pas d'associé, n'a pas de partenaire. Donc, comment vous allez associer à Allah et informer Allah de ses partenaires alors qu'il n'en a pas? Hein? Oui, Yunus, le verset 18. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'il soit exalté et purifié et exalté de ce qu'il lui associe. Le Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ce passage-là. Il dit que at-tasbih, quand tu dis subhanallah, huwa at-tanzih. يعني نزه نفسه عن الشرك. Donc التسبيح, ça veut dire de nettoyer, purifier quelque chose. Donc quand les mushrikins associent à Allah, c'est comme s'ils essaient de salir Allah avec ce shirk. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala se purifie de ce genre de ce genre d'insultes ou de ce genre de propos mensonger qui essaie de salir Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des partenaires et des associés. Le cheikh, il dit donc ensuite que Allah donc s'est purifié de toute forme d'association, toute personne ou toute chose qui pourrait être un partenaire à lui ou un associé à lui. Allah n'a pas d'associé, il n'a pas de partenaire. Il n'a pas de rival, il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il est unique. Hein? Tasbih. Subhanallah, c'est comme une façon de purifier Allah, glorifier Allah. Ok. Le point suivant, le cheikh il dit, Allahu عز وجل لم يشرع لنا اتخاذ الوسائط من المخلوقات بيننا وبينه قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني كل ما لا يعلمه الله فهو محال والله لا يعلم أن بينه وبين خلقه وسائط في قضاء حوائجهم. دونك Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, allez-vous apprendre à Allah ou faire savoir à Allah ce qu'il ne sait pas, ni dans les cieux ni sur la terre? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, s'il dit qu'il ne sait pas quelque chose, ça veut dire qu'elle n'existe pas, cette chose. Hein? C'est pour montrer qu'il nie cette chose-là. Donc, eux, les mushrikins, ils prennent entre eux et Allah, des associés, des partenaires, des intermédiaires. Et ils disent à ces intermédiaires-là, hein, de les rapprocher. Ils demandent à ces intermédiaires-là de les rapprocher d'Allah. Allah, il dit, allez-vous m'apprendre que j'ai des associés, des partenaires, alors que j'en ai pas, hein? Donc, que je sois purifié, Allah dit que, yani que je sois purifié de ce que vous m'associez et de ces intermédiaires que vous prétendez. Et donc, le cheikh dit, Allah n'a jamais légiféré de prendre des intercesseurs et des intermédiaires parmi les créatures entre nous et lui. Et donc, il dit, allez-vous apprendre à Allah ce qu'il n'a pas connu, ni dans les cieux, ni sur la terre? Donc, qu'il soit purifié de ce qu'il lui associe. Donc, tout ce que Allah ne connaît pas, ça veut dire que c'est quelque chose qui est impossible. C'est quelque chose qui est impossible. Parce que c'est impossible que Allah ignore quelque chose. Hein? Est-ce que Allah peut ignorer quelque chose? Non. Parce qu'il sait tout et il connaît tout. Donc, s'il dit qu'il ne le connaît pas, ça veut dire que c'est impossible. Ça veut dire qu'il n'en a pas. D'accord? Et il dit, Allah... Yani, il ne sait pas qu'il y a des intercesseurs et des intermédiaires entre lui et sa création qui règlent et qui s'occupent de leurs besoins. Pourquoi il ne le sait pas? Parce que ça n'existe pas. Hein? Et donc, c'est une façon pour eux de... C'est une façon pour nous de réfuter ces gens-là et de nier ce qu'ils prétendent. Les besoins, c'est-à-dire qu'il y a des mouchriquins et des koufas, quand ils ont besoin de quelque chose, ils demandent à des associés ou des partenaires à Allah, des idoles, hein, pour remplir leurs besoins et pour régler leurs besoins. Oui, c'est ça. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, non, il n'y en a pas de partenaires, il n'y en a pas d'associés, j'en ai pas. J'ai pas d'intermédiaires ou d'intercesseurs. Si vous voulez quelque chose, demandez-moi directement. Passez pas par ces gens-là. Quoi? Le pape. Oui, le pape, c'est un exemple, souvent parce que les mouchriquins et les koufars parmi les chrétiens, quand ils veulent quelque chose, des fois, ils passent par le pape pour adorer, pour demander à Allah ou pour adorer. La même chose aussi pour Jésus. Hein, quand ils prient les chrétiens, ils disent, je te demande au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Et donc, le fait de demander par le nom de Jésus, ça, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Parce qu'ils prennent Jésus comme intercesseur. La même chose aussi, ceux qui demandent par le nom du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui demandent par le nom d'un autre prophète, peu importe. Oui. Donc ça devient du shirk. Dans ce cas-là, c'est un shirk. S'il demande, il dit, oh Allah, je te demande par le nom de ton prophète, ça c'est une forme de shirk mineur. Et c'est une bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné ça, il n'a jamais légiféré ça. Sauf que s'il demande directement au prophète, là c'est du shirk akbar. Parce qu'il demande direct. Regarde, ici, si quelqu'un il dit « Oh Allah », demande à Allah, « Je te demande par le prophète », ça c'est shirk asrar. Pourquoi? Parce qu'il ne demande pas directement au prophète, il demande à Allah, mais par son prophète. Ça, c'est quelque chose qui amène au shirk. Tu n'as pas besoin de soulever ton truc. Bija, ou bi ismihi, ou bi jahihi, ou bi yani, peu importe. S'il demande par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou son niveau, ou son statut, ou ça, yani, son, peu importe. Sa place, ça fait partie des bid'ahs. Et ça fait partie du shirk asrar. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la sunna et c'est un moyen pour tomber dans le shirk. Si quelqu'un il demande directement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de demander à Allah, il dit, oh messager d'Allah, sauve-nous, guide-nous, donne-nous ça, fais-nous ça, ça devient du shirk akbar. C'est du shirk majeur qui fait sortir de la foi. C'est la même chose. S'il demande à Allah et au messager, alors c'est comme s'il avait fait le shirk akbar aussi, parce que il a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité avec Allah. Et on n'a pas le droit d'invoquer quiconque avec Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans sourate Al-Jinn, Il dit wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Hein? Donc l'adoration c'est pour Allah seul. On n'a pas le droit d'adorer personne avec Allah. Non, Masha'Allah ou Ashed, ce n'est pas la même chose que de dire Ya Allah, Ya Muhammad. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand tu dis Masha'Allah ou Ashed, les ulama, ils ont dit, ça c'est une forme de shirk asrar, parce que quand tu as parlé de cette façon, c'est une ambiguïté, parce que tu dis et qui implique une égalité. Hein? Yani tu dis Masha'Allah wa Shait ou Lawlallah wa Ant. Hein? Si ce n'était pas d'Allah et de toi. Donc tu ne dois pas dire et. Tu dois dire puis. Hein? Thumma. Parce que ça peut impliquer que tu mets la volonté d'Allah ou yani ce que Allah a voulu à égalité avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu. Ça, ce n'est pas correct. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu un homme qui disait ça, il dit « Aja'altani lillahi niddan, qul ma sha'allahu wahda. » Est-ce que tu veux me mettre un égal avec Allah? Dis Allah ce que Allah a voulu, lui seul. Il ne veut pas le mettre égal, ça c'est avant le shirk. S'il le met égal, là c'est le shirk. Oui, si dans son cœur il met le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à égalité avec Allah, ça c'est du shirk akbar. Mais s'il a juste dit comme ça avec sa bouche, mais qu'il ne le pense pas dans son cœur, alors dans ce cas-là, ce n'est pas du shirk akbar, mais c'est du shirk asrar. C'est comme dire, il y a Allah, il y a Muhammad. Si pour eux, ce n'est pas égalité, juste qu'ils ont dit. Non, mais parce que là, il y a une différence aussi. Quand tu dis ça dans le contexte du dua, c'est différent. Ce n'est pas la même chose les deux. Quand tu dis, Masha Allah, wa sha Muhammad, ce n'est pas un dua. Tu comprends? C'est une expression, une exclamation. Hein? Tandis que si tu dis « Ya Allah, Ya Muhammad », ça c'est « harfu nida ». Ça veut dire que tu fais un dua, tu demandes. Et là, à ce moment-là, le fait de demander au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça devient du shirk. Ça devient du shirk akbar. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu dois distinguer entre ces deux chapitres. Même que ces deux sujets-là se retrouvent dans Kitab al-Tawhid, dans des chapitres différents. Donc, ça veut dire que le sujet, ce n'est pas le même. Et il ne faut pas confondre entre le dua et le fait de faire des erreurs dans l'expression. D'accord? Si quelqu'un, il dit « Laoula al-kalb, la dakhala al-lusus, il al-bayt ». Laoula Allah wal kalb. Laoula Allah wal kalb. Tu mets Allah et le chien à égalité, ça fait, c'est pas correct. Une dernière question, c'est à propos des soufis. Quand ils disent que nous on fait un madh du messager d'Allah, Madh. Madh, ça veut dire le fait de glorifier, de faire les éloges. Et ça, c'est un chef de Zahra ou pas? Non, madh. Le fait de faire al-madh en soi, ce n'est pas nécessairement du shirk. Qu'est-ce qui est shirk? C'est quoi? C'est de faire al-rouleau ou al-madh. L'exagération dans al-madh. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi son nom? Le prophète, c'est quoi son nom? Mohammed. Dans Mohammed, il n'y a pas de madh. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire Mohammed? Oui, mais qu'est-ce que ça signifie en arabe? Mohammed, c'est quelqu'un qui remercie. Non, Mohammed, c'est celui qui est glorifié. Alladhi yuhmad. Mohammed, huwa alladhi yuhmad. Fa yuhmad, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yuhmad. Walakin al-ghulou fi al-madh, hada huwa, yani al-khatir. Le problème avec les soufis puis le madh qu'ils font, le madaih, comme ils l'appellent, c'est que dans leur madh, il y a des formes de rouleau, des formes d'exagération. qui font que parfois ils décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des caractéristiques divines. Ils lui attribuent l'ilm al-ghayb, ils lui attribuent le fait de pardonner les péchés, ils lui attribuent des caractéristiques divines. Ça devient du shirk. Shirk fil asma wa sifat. Hein? Et d'autres formes de shirk aussi. Donc c'est ça qui est mauvais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « La tatrouni kama atrat al-nasara al-yahoud wa Isa ibn Maryam. Innama ana abd, faqulu abdullah wa rasuluh. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré à propos de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un esclave. Alors dites, esclave et son messager. Alors c'est ça qu'on doit dire nous. Mais eux, non. Eux, ils commencent à glorifier. « Ya akram al-khalqi mali man alouzu bihi siwaka. » Oui, c'est ça. « Oh, toi, la plus noble des créatures, j'ai personne envers qui je vais me réfugier. Hein? Le jour de la résurrection, si t'es pas là pour me tenir par la main, je vais glisser. Je vais aller en enfer ou si tu me pardonnes pas mes péchés. » Tout ça, c'est des exemples de shirk. وَإِنَّ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Tout ça, c'est des exemples de shirk, de rouleau. Ça, c'est pas permis dans l'islam. Ça, c'est des affaires qui font sortir de la foi. Il y a même des femmes qui disent qu'ils ont embrassé les pieds du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. À la kulli hal, on va pas trop exagérer dans les questions, sinon on va pas avancer dans le sujet. Non, t'as pas besoin de t'excuser. Ok, donc où est-ce qu'on était rendu? Donc le cheikh il explique que, il dit, la bi an la tattakhidh baynaka wa bayna Allahi wasa'it. Wasata min al makhluqat tatawassatu baynaka wa baynahu. On a expliqué ça déjà. Ensuite, le cheikh il expliquait donc que Allah n'a pas d'associé. Donc ça, on l'a expliqué aussi. Ensuite, le cheikh Abdurrahman, il dit, وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْآيَاتِ فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ يَأْمُرُ عِبَادَهُ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ وَيُعَظِّمُ عُقُوبَتَهُ كما قد جرى dans le bureau il y a la commande. نعم كما قد جرى على الامم المكذبه كما قد جرى على الامم المكذبه للرسل فيما جاءوا به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا فاوقع الله تعالى بهم ما اوقع كقول نوح وعاد وثمود ونحوهم فإنهم عصوا الرسول أو عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك وقال لنوح oui, quand on vient juste pour la salade, ça va. Mais quand on vient pour rester, là, ça commence à être trop froid après. Naam. Wa qalu li Nuh. Fa innahum asaw ar-rusul fi ma amaruhum bihi min at-tawhid wa tamassaku bil-shirk. Wa qalu li Nuh وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وقالوا لهود ما جئنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين الآيات وقالوا لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أفتنهانا عن أفتن أفتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. وقالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع بمن عصاهم، فإن الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. قلت: وهذا لا يخالف ما تقدم، لأن هذه الآية حجة على كل من دعا الله أو دعا مع الله وليا من الأولين والآخرين. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية، وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو الجن أو من البشر. Donc on a lu un autre paragraphe, on va l'expliquer en français maintenant, puis après on va lire les commentaires. Donc ici le Cheikh Al-Fawzan, il n'a pas fait beaucoup de commentaires, parce que beaucoup de choses qui ont été mentionnées ici, on les a déjà expliquées. Donc ici le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit: et les exemples de ces versets-là sont nombreux dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne qu'on l'adore avec ikhlas, avec pureté, dans notre adoration pour lui. Et il nous interdit d'adorer quoi que ce soit en dehors de lui, peu importe qu'est-ce que ça peut être. Et il a mentionné l'immense châtiment qui attend ceux qui tombent dans ce genre de péché et ce genre de crime de shirk. Et il dit, et c'est ce qui est arrivé aux peuples qui ont traité les messagers de menteurs lorsque les messagers leur ont amené les preuves du tawhid et leur ont interdit de faire le shirk. Ils n'ont pas voulu accepter. Ces différents peuples n'ont pas voulu accepter le message du tawhid et l'interdiction du shirk. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il arrive ce qui leur est arrivé, comme le peuple de Noé, le peuple de Ad, le peuple de Thamoud et beaucoup d'autres peuples également, qui ont désobéi aux messagers dans ce que les messagers leur ont ordonné des questions du tawhid. Et ils se sont accrochés au shirk. Comme par exemple ce qu'ils ont dit au prophète Nuh alayhi salam. Et le cheikh, il a mentionné le verset 27 dans Surat Hud. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et les notables de son peuple qui avaient mécru, c'est-à-dire qu'ils avaient rejeté la foi, ils dirent: alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. C'est-à-dire, on ne voit pas de différence entre toi et nous, alors pourquoi on va t'écouter? Et nous voyons que ce sont seulement les villes parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Par exemple, ils voient que ceux qui ont cru en le messager, c'est des gens simples, des gens pauvres, des gens modestes. Donc, eux, c'est les notables, c'est les gens riches et haut placés dans la société qui ont du pouvoir et de l'argent. Il dit: nous, on regarde ceux qui sont avec toi, là, c'est seulement les pauvres et les villes, les esclaves, les gens qui n'ont pas d'autorité, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas d'argent. Donc, il considère que ces gens-là ne méritent pas d'être suivis. Et ils disent: et nous ne voyons en vous aucune supériorité pour nous. Aucune supériorité sur nous. Et l'autre exemple que le cheikh il a mentionné, c'est le verset 53 à propos de Hud, le prophète Hud. Lorsque son peuple ont dit, lui ont dit, ce qui signifie, ils dirent, « Oh, Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole et nous n'avons pas de foi en toi. » Et aussi, hein, les versets qui suivent par la suite. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. C'est-à-dire, c'est une de nos divinités qui t'a frappé et qui t'a fait perdre la tête ou qui t'a fait perdre la tête pour que tu commences à dire des choses comme ça. Donc, tu es devenu fou à cause de, la, de nos divinités qui t'ont frappé. Et il dit, je prends Allah en témoin. Et vous aussi soyez témoins qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez, c'est-à-dire ce que vous faites comme shirk en dehors de, avec Allah. Rusez donc tous, mettez-vous tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre, et il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. C'est-à-dire que tous les êtres qui sont vivants, Allah subhanahu wa ta'ala, il les tient par leur toupet. Et mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Surat Hud, le verset 53, 54, 55 et 56. Donc, je n'ai pas tout lu parce que le cheikh, il a dit al-ayat, c'est-à-dire les versets qui suivent. Il donne aussi l'exemple du prophète Salih. Et le prophète Salih, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de son histoire dans le verset 62 dans Surat Hud aussi. Et qu'est-ce que son peuple lui a dit? Ils dirent, « Ô Salih, tu étais auparavant un espoir pour nous. Hein? Nous interdiras-tu d'adorer ce qu'adoraient nos ancêtres? Cependant, nous voilà bien dans un doute troublant au sujet de ce vers quoi tu nous invites. » Donc, ils sont fâchés parce que les prophètes leur interdisent de faire le shirk. Et eux, ils ne veulent pas cesser de faire le shirk. L'exemple aussi du prophète Shu'aib. Ici, dans le verset 87, dans Surat Hud aussi. Et ils ont dit au prophète Hud, alayhi salam, ils dirent, « Oh Shu'aib, au prophète Shu'aib, pardon, « Oh Shu'aib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres ?» Hein? Donc, ça c'est un exemple, yani, subhanallah. Et aussi, ils disent, « Ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons ?» Parce que c'était des gens qui faisaient de l'injustice. Ils trichaient dans la balance. Donc, tout ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit donc, « Méditez sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son livre à propos de ce à quoi les messagers ont invité leur peuple et ce qui est arrivé à ceux qui ont désobéi à leur messager. Car Allah subhanahu wa ta'ala a établi contre eux sa preuve. Il a établi la preuve contre tous les mouchriks jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, tandis que ce qui a été rapporté au sujet de l'explication du verset, hein, c'est-à-dire le verset 57 et 58 dans Surat al-Isra, qu'on était en train d'expliquer, il y a une explication qui a été rapportée de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans laquelle il explique que le verset en question. Et juste pour rappeler le verset, parce que peut-être que certains ne l'ont pas entendu, puisqu'on l'a expliqué plusieurs fois depuis le début, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans Surat al-Isra, « Ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes un moyen pour se rapprocher plus de leur Seigneur, et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. » Donc, le cheikh, il explique que Abdullah ibn Mas'ud, il a dit à propos de la signification de ce verset, parce qu'il y a une autre explication qu'on a déjà mentionnée à propos de ce verset qui disait que c'était à propos des juifs et des chrétiens qui, ceux qui priaient à Jésus, hein, ou qui priaient à Uzair, ou qui priaient à des anges. Et ici, Abdullah ibn Mas'ud, il dit ça, c'était à propos des êtres, des hommes parmi les djinns, c'est-à-dire des mâles parmi les djinns, que les gens adoraient. Puis, ces djinns-là se sont convertis à l'islam. Et eux, les mushrikines, ont continué à les adorer, alors qu'eux, ils sont devenus musulmans. Donc, ils voulaient plus rien savoir de cette adoration-là. Hein? Mais eux continuaient quand même à les adorer en dehors d'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là à propos de ceux-là. C'est-à-dire, ceux qui, yani ceux que vous adorez, ils cherchent eux-mêmes un moyen de se rapprocher d'Allah. Donc, pourquoi vous continuez à les adorer? Pourquoi vous, yani, ne faites pas comme eux au lieu de les adorer eux? Dans une autre narration de Abdullah ibn Mas'ud, ça dit, il y a des êtres parmi les djinns, hein, des mâles parmi les djinns qui adoraient, non, des hommes parmi les êtres humains qui adoraient des hommes parmi les djinns. J'ai pas entendu qu'est-ce que tu as dit. Non, toi, tu parles du verset dans Sourate al-Djinn. Mais ça, ce n'est pas un verset, c'est une parole d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن. Donc, comme tu mentionnes le verset de Sourate al-Djinn, eh bien, le verset de Sourate al-Djinn, ça fait référence à ça aussi. Hein? Parce que Allah il dit, سأل سائل بعذاب واقع. Non, ce n'est pas ce verset-là, c'est. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن هذا فقالوا إن هذا قرآنا عجبا Oui, mais ça c'est un verset plus loin. C'est comme وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Donc c'est ça, il y a des êtres humains parmi il y a des hommes parmi les êtres humains qui cherchaient refuge en des hommes parmi les djinns. Alors yani, ça les a augmentés. Fazadouhum Donc, attends, juste pour regarder le sourate en question, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas revisé. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Et ça, c'est le verset 1. Puis, le verset que toi, tu dis, le verset 6. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. C'est-à-dire, mais cela n'a fait que les accroître en détresse. Parce qu'en réalité, yani, les djinns, ils peuvent rien faire pour eux. Et en même temps aussi, les djinns eux-mêmes, en réalité, ils ont peur des hommes. Ils ont plus peur des hommes que les hommes ont peur d'eux. Mais lorsqu'ils voient que des êtres humains les adorent, ou leur rendent des services, ou font des choses pour eux, eh bien ça fait en sorte que justement, ils prennent le dessus sur les hommes à cause de ça. Et une fois que ces djinns-là se sont convertis à l'islam, eh bien, ils ont accepté le tawhid, donc ils refusent l'adoration de ces mushrikines. Mais eux, ils réalisent pas, les mushrikines, ils réalisent pas que ces djinns-là sont devenus musulmans. Cheikh Al-Fawzan, il dit pas. Ça, c'est à propos des. Tu veux dire quel peuple qui adorait les djinns? Tu parles des djinns ou des êtres humains? Non, c'est les djinns qui se sont convertis. Oui, ça, que les djinns se sont convertis. Oui, ben ça peut être dans différents peuples, Allahu a'lam. Mais c'est vrai que mais parmi les Arabes, il y en a que c'était le cas. Et comme je disais l'autre jour, il y a un Haïtien qui m'a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, Yanni. Mais vous savez qu'en Haïti, il y a beaucoup de voodooisme, hein? Il y a un Haïtien qui m'a raconté une histoire, comment il s'est converti à l'islam ou comment des gens se sont convertis à l'islam en Haïti. Supposément, c'est à cause des djinns, d'un djinn qui était musulman ou bien qui avait entendu parler de l'islam et qui leur faisait entendre le adhan. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc ils entendaient ça, puis ils ne savaient pas qu'est-ce que ça voulait dire. Puis un d'entre eux qui est parti aux États-Unis, puis il a entendu l'appel à la prière dehors. Alors quand il a entendu ça, il a été choqué, il est allé voir pour demander qu'est-ce que c'est. Puis on lui a expliqué que c'était l'appel à la prière, que c'était l'islam et tout. Puis supposément qu'il s'est converti à l'islam par la suite. Donc, je ne sais pas si cette histoire est vraie, hein? C'est juste quelque chose qu'on m'a rapporté. Donc, Allahu a'lam. Mais si c'est vrai quand même, si c'était vrai, ce serait vraiment une chose étonnante. Hein? Ça nous montre quand même que toutes les façons d'être guidées sont multiples. Hein? Les façons d'être guidées sont multiples. Bien sûr, il peut y avoir des djinns musulmans, des djinns. Ben, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des êtres humains qui adorent Allah, qui se rapprochent beaucoup de lui. Donc peut-être aussi parmi les djinns, il y en a qui se rapprochent beaucoup d'Allah et qui sont pieux. Hein? Naam. Ça se pourrait, mais Allahu a'lam. Oui, on est des ins. Il y a des ins qui sont les hommes, mais il y a des ins qui sont que on ne peut pas dire. Non, de quoi tu parles? Je comprends pas. Tu veux savoir si on est des djinns ou Non. si on est des ins? On est des ins, mais il n'y a pas des ins qui sont donc Invisibles? invisibles. Non. Les Ah, les ins. ins, c'est les hommes? Les ins, c'est les êtres humains. Et les djinns, c'est Et les les djinns. djinns, c'est les djinns. Les djinns, on ne peut pas les voir. Non, on ne peut pas les voir, les djinns. Bon, après le cheikh, il dit, donc ici, cheikh Al-Fawzan, il dit, لم يقبلوا دعوة الرسول وأرادوا البقاء على ما وجدوا عليه آباءهم واعتاضوا عن اتباع الرسول باتباع آبائهم والعياذ بالله واعتاضوا عن التوحيد بالشرك. Donc le cheikh il explique que ces mushrikines là, ces différents peuples mushrikines, ils n'ont pas accepté la da'wa des messagers. Ils ont plutôt voulu rester sur ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres. Donc ils se sont détachés ou ils ont refusé l'appel des messagers sous prétexte de vouloir suivre leurs ancêtres. Oula'iyadhu billah. Alors que ça, c'est pas un argument. C'est pas parce que tes ancêtres font quelque chose que c'est la vérité. Hein? Et en même temps, ils se sont détachés ou ils ont refusé le tawhid sous prétexte qu'ils veulent continuer à faire le shirk. D'accord? Alors que le shirk leur rapporte rien de plus. Hein? Leur rapporte rien du tout. Si tu adores des créatures sont comme toi. Pourquoi tu laisses pas tomber l'adoration des créatures pour t'attacher à l'adoration du Créateur seulement? Hein? C'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus sensé. Malheureusement, les êtres humains, ils s'accrochent souvent à l'adoration des créatures et au shirk plutôt que l'adoration d'Allah. Et le cheikh, il mentionne aussi à propos de l'autre sujet, par rapport à l'explication de Abdullah ibn Mas'ud, il dit « Wa hada ma'na al-aya, hein? Wa hada min ma'na al-aya. الآية تفسر بعدة معاني يعني تفسير بالتفسيرين يعني بأنها نزلت في من يعبد الملائكة وعيسى وعزير وتفسر بأنها في يوم أو في قوم يعبدون ناسا من الجن يعني أسلموا فالآية تشمل المعنيين. Donc le cheikh explique que ce verset-là, il s'explique de différentes interprétations. Et les deux tafsirs, ils se contredisent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a dit ici du fait que c'était des gens qui adoraient des djinns et que ces djinns-là se sont convertis? ça contredit pas le fait qu'il y en a d'autres parmi les mouchriquines qui prient à Jésus ou à Uzair ou aux anges. C'est-à-dire, ça, c'est juste que ça vient rajouter une explication supplémentaire. Mais ce n'est pas en contradiction avec qu'est-ce qui a été mentionné précédemment. Donc, c'est juste une explication, une autre explication pour le verset. Et le cheikh explique que le verset en question est une preuve contre tous ceux qui invoquent un homme pieux ou un saint ou ou un prophète ou un ange ou un djinn avec Allah, que ce soit parmi les anciens ou plus tard, aujourd'hui par exemple, ou après. Et le cheikh, il dit donc que cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a mentionné à propos de ce verset-là et de son tafsir que toutes les paroles qui ont été mentionnées, les différentes paroles qu'on a mentionnées au sujet de la signification de ce verset-là sont vraies. Parce que le verset, il est général et il comprend tout ce qui est adoré parmi les choses que les mouchriquines adorent ou les personnes qui sont adorées par les mouchriquines qui sont eux-mêmes des adorateurs d'Allah. D'accord? C'est-à-dire que les êtres que les mouchriquines adorent, qui sont eux-mêmes des adorateurs d'Allah, ce verset-là, c'est une réfutation contre eux. Ceux qui adorent Jésus parmi les chrétiens, ceux qui adorent Uzair ou d'autres parmi les juifs, ceux qui adorent les anges parmi les juifs et les chrétiens, ceux qui adorent yani les prophètes ou les djinns, tout ça, c'est inclus dans le verset. D'accord? C'est ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné. Et le Cheikh, il dit: Wal mufassirun idha ikhtalafu fi tafsir al-aya, falaysa hadha ikhtilafu tadad, wa innama huwa ikhtilafu tanawwu'. Wa takunu al-aya tadullu ala 'iddat ma'ani, wa kullu wahidin ya'khudhu bi ma'nan min ma'aniha. Donc, le Cheikh, il explique ici un point, c'est que la divergence d'explication ici, ce n'est pas une divergence qui implique une contradiction. Donc, il y a deux sortes de divergences que les ulama ont mentionnées. La divergence qu'on appelle ikhtilaf tanawwu', c'est-à-dire une différence de variation, et l'autre divergence, c'est une divergence d'opposition ou de contradiction. Et la première, c'est une divergence qui est de variation. Donc ça, ce n'est pas interdit, parce que c'est juste pour nous mentionner une différente variation ou une autre explication qui est valable aussi. Tandis que l'autre explication, qui est l'explication qui implique une contradiction, c'est ça qui n'est pas possible. C'est ça qui est interdit. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera au prochain cours. Attends. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.